bonjour et bienvenue sur Radio Dio 89.5, donc l'émission du mensuel du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire des mondes ouvriers stéphanois. Et donc cette émission mensuelle sera consacrée aux différents enregistrements qui ont pu être faits lors de la journée d'études réalisée le 29 novembre dernier. Donc journée d'études sur la thématique penser et agir face à la crise dans les années 68. Et on va donc pouvoir écouter aujourd'hui deux enregistrements, l'un de la communication de Jean-Paul Martin et l'autre de la communication de Jean-Paul Bentière, à qui je vais passer immédiatement la parole pour pouvoir introduire un petit peu plus ces questions. Voilà. Alors, bonjour d'abord. Pourquoi on a réuni ces deux contributions aujourd'hui ? C'est parce que Jean-Paul Martin est un militant de la CFTC qui a lutté, en fait, dans la minorité de la CFTC pour l'évolution de la centrale. Et d'une certaine façon, l'UDCFDT de la Loire, de laquelle je parlerai dans mon intervention, est un peu une enfant de Jean-Paul Martin. Voilà. Voilà pourquoi on a choisi ces deux contributions aujourd'hui. Donc, on va commencer par l'évocation d'André Garnier par Jean-Paul Martin. Bien, enchaînons avec Jean-Paul Martin, donc ancien maître de conférence à l'Université de Lille 3, membre du GSRL, groupe Société, Religion, Laïcité. Voilà, donc il a travaillé sur le syndicalisme révolutionnaire dans la métallurgie, hein, et également sur l'histoire de la Ligue de l'enseignement. Et il a été aussi un témoin, un acteur de cette période des années 68. Et c'est donc à ces deux titres qu'il intervient aujourd'hui pour traiter d'André Garnier. Donc André Garnier, une vision du socialisme comme réponse à la crise industrielle de la région stéphanoise. Merci. Oui, je suis très heureux d'évoquer la figure d'André Garnier, qui est certainement... l'homme qui a exercé la plus grosse influence intellectuelle et politique sur moi au moment de ma première formation politique, on peut dire, de mon entrée en politique à Saint-Étienne, au PSU, en tant qu'étudiant. Alors je suis très heureux de parler de lui, mais je mesure en même temps la délicatesse de cet exercice. Car je crois, quand on parle de quelqu'un dont on a été très proche, qu'on a connu de près, et que ça remonte en plus aux souvenirs de jeunesse, on risque soit l'idéalisation, la géographie, et puis l'idéalisation aussi de la période, comme les discussions étaient belles en ce temps-là, ou au contraire, le dénigrement. Si on décide, pour une raison ou pour une autre, que ces discussions belles autrefois sont aujourd'hui révolues, fort closes. Donc, j'ai essayé de me tenir à distance de ces deux attitudes en opérant finalement tout simplement une démarche d'objectivation historique. Mais là, je me suis heurté à une autre difficulté, c'est que au moment de préparer ce petit topo, je n'avais pas beaucoup d'archives sous la main, en raison de mon éloignement de Saint-Étienne notamment. Je n'avais ni les archives d'André Garnier lui-même, on vous en a parlé tout à l'heure, ni celles du PSU, ni mes propres archives de cette période qui avaient été déposées ici à Saint-Étienne dans divers lieux. Alors heureusement, j'avais quand même gardé sous le coude quelques papiers, des notes glanées ici ou là, ce qui me permet de ne pas être totalement prisonnier de mes seuls souvenirs. Alors j'évoquerai d'abord son itinéraire politique, son itinéraire militant, son approche personnelle du socialisme jusqu'en 1968. Et dans un second temps, je présenterai l'analyse de la crise de l'économie stéphanoise faite alors collectivement par le PSU, donc, dont il est un dirigeant et dont il est peut-être l'inspirateur essentiel. Alors j'ai choisi de me concentrer sur les années 60, hein, et au risque de décevoir, je m'arrêterai à l'aube de 68, car il me semble que c'est en effet le seul moment où la Fédération PSU de la Loire articule de manière publique sa vision du socialisme avec une approche spécifique de la crise économique locale. Et ce lien entre enjeux régional et réflexion idéologique est largement perdu de vue par la suite, après 68. Puis ça correspondait aussi au fait que c'est là-dessus que j'avais des documents sous la main. Alors, en avril 1960, lors de la fondation du PSU, André Garnier devient membre du comité politique national de ce parti, qui est nouveau. Et je dirais simplement, son expérience à ce moment-là est celle d'un militant et d'un intellectuel du mouvement ouvrier, de formation largement autodidacte. Elle se résume à 3 engagements, à 4 si on y ajoute la résistance, hein, dans laquelle il s'est engagé à 16 ans. Il est né en 1927, et qui a été une période très importante pour la formation, je dirais, de son imaginaire politique. Alors, ces 3 expériences, c'est d'abord la JOC, dont il a été un militant dans son village natal de Saint-Didier-en-Velay, en Haute-Loire, avant de devenir permanent national entre 1950 et 1953. Ensuite, le syndicalisme, hein, à la CFTC, ou plus exactement, je passe très vite là-dessus, à la minorité CFTC, le groupe Reconstruction, dont il a été à la fois entre 53 et 57, si je ne m'abuse, un des principaux piliers à Saint-Étienne, à son retour donc de Paris après la JOC. Et dont il a été aussi, il a pris diverses responsabilités, je crois qu'elles ont été évoquées ce matin, dans l'UDCFTC puis CFDT, et il a été aussi, comme il le disait lui-même, le commis voyageur du groupe Reconstruction, c'est-à-dire un des hommes qui a véritablement activé beaucoup pour l'évolution interne de la CFTC puis CFDT. Enfin, 3e expérience, l'engagement politique qui est devenu essentiel pour lui et qui s'est concrétisé sur fond de guerre d'Algérie, d'abord à l'UGS, hein, une des petites formations, l'Union de la gauche socialiste, une des petites formations donc, qui allait constituer le PSU. Et il était même, je dirais, localement à Saint-Étienne, en position de leader de cette gauche nouvelle, puisque en 1959, il dirige la liste aux élections municipales, la liste UFD, hein, Union des forces démocratiques, qui regroupe, je dirais, la fine fleur des militants de cette gauche nouvelle à ce moment-là. C'est un échec électoral complet, mais qui le conduit tout droit au PSU. Alors, au PSU, dans la période comprise donc entre la fin de la guerre d'Algérie et mai 68, je dirais qu'il occupe une posture idéologique, à mon sens, très originale, et je ne dis pas cela simplement parce que je l'ai connu, et même peut-être relativement unique, hein, qui mérite d'être rappelé à cet égard, avec une constante qui est sa proximité idéologique avec Gilles Martinet. Pas précisément le fondateur de France Observateur, mais surtout l'auteur du Marxisme de notre temps, hein, un livre paru en 1962, qui je crois a été un élément permanent de référence pour André Garnier. Livre qui était un essai politique à ce moment-là, qui je l'ai relu d'ailleurs récemment pour avant de venir ici, et c'est un livre qui mérite tout à fait d'être relu, hein, aujourd'hui, où il défend et illustre une pensée marxiste pour analyser les contradictions à la fois des sociétés capitalistes avancées, mais aussi des sociétés socialistes. Je crois que ça a été... Martinet faisait partie de ces gens qui voulaient appliquer le marxisme au décodage des contradictions internes des sociétés dites socialistes, hein, du bloc socialiste. Cet essai aborde aussi les problèmes de la construction d'une gauche nouvelle face aux partis traditionnels, et qu'il résumait donc sous forme de thèse. Il y a un endroit dans le livre, je possède d'ailleurs l'édition originale d'André Garnier que Janine, sa donc sa veuve qui nous a quittés il y a quelques mois m'avait donné. Et il y a un passage effectivement qui est annoté dans ce bouquin, qui est celui où Martinet résume ses thèses. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Alors, avec cette constante, en même temps, il y a chez lui une... Ça s'est traduit par une stratégie que je résumerais en parlant de lutte sur deux fronts. Hein, lutte sur deux fronts alternés. D'abord contre les archéos, hein, ceux qu'on appelait les archéosocialistes à l'époque, comprendre les partisans d'un classique retour à l'union de la gauche, regroupés à un moment dans le PSU autour de Jean Popren. Bon, face à ce courant avec qui les débats sont acharnés, y compris dans la Loire, jusqu'en 1964, Garnier se range parmi les partisans du renouveau. Non qu'il croit possible de faire table rase du passé, de faire abstraction de la réalité des forces du mouvement ouvrier telles qu'elles sont, mais parce qu'il pense que pour réussir, l'unité de la gauche est inséparable de sa rénovation. Alors, rénovation des modalités d'alliance interne, impliquant non seulement des partis, mais des organisations syndicales et populaires, comme les mouvements familiaux, les organisations d'éducation populaire, etc., dans la construction d'un front socialiste, selon la terminologie de l'époque, dont un grand PSU, le rêve d'un grand PSU, formerait l'aiguillon. Rénovation de la stratégie, dont l'expression principale va devenir assez rapidement le contre-plan, ce que le PSU appelait ainsi, c'est-à-dire la définition d'une alternative crédible aux options du cinquième plan de l'époque, le débat sur le contre-plan devant devenir une sorte de débat politique majeur de société sur lequel on présenterait une alternative globale. Je n'ai pas le temps là non plus d'entrer dans plus d'explications. Rénovation des hommes et des dirigeants ensuite. André Garnier, notamment, entretiendra une correspondance assidue avec Pierre Mendès France dans ces années-là, alors que la présence de PMF est perçue par beaucoup de militants du PSU comme l'intrusion d'un politicien bourgeois. Il entretient une correspondance avec lui, en 62, par exemple, il lui écrit « Je continue à penser que nous avons besoin de vous, hein, pour prendre la tête du PSU, en gros, et réciproquement d'ailleurs. Hein, il y a cette idée qu'il y a une sorte de donnant-donnant, si vous voulez, dans le rapport avec Mendès France. Mais, alors c'est là le deuxième front, si vous voulez, la rénovation implique aussi une fermeté sur la ligne idéologique du socialisme, contre ce qu'il appellera, et ce qu'on appellera à l'époque, le courant moderniste ou technocratique, qu'il a appelé parfois en termes très durs le courant des liquidateurs du socialisme. Le mot semble très fort, et il entendait par là le règne des experts, des compétences, nécessaires pourtant, mais qu'il fallait contrôler. C'est-à-dire tout le problème, c'était d'arriver à contrôler les experts, mais de les avoir avec soi. Alors cette position s'exprime, entre autres, au moment de la rencontre socialiste de Grenoble, en 1966, dans le document que rédige le comité stéphanois de cette rencontre, où il y a véritablement là une critique assez dure de certains représentants de la gauche nouvelle. Et à l'époque, il y a un certain Michel Rocard, qui s'exprime à Grenoble sous le pseudonyme encore de Georges Servet, qui est dès ce moment-là dans le collimateur de gens comme Garnier. Bon. Je passe là-dessus. Cette rencontre de Grenoble est très importante. Elle sera suivie de rencontres socialistes régionales à l'échelle Rhône-Alpes, où la Loire prendra encore toute sa part. Une rencontre à Oullins à la fin de 1966 pour discuter justement de la région comme enjeu du socialisme, et une rencontre à Saint-Étienne qui avait été prévue, ça tombait vraiment à pic, début mai 1968, et qui devait parler de la démocratie dans l'entreprise. Elle a eu lieu d'ailleurs, hein, puisque le blocage a eu lieu la semaine d'après seulement. Bon. Alors comment cela a alimenté l'analyse de la crise ? Ma source ici sur laquelle je m'appuierai, c'est la collection presque complète que j'avais dans mes dossiers d'une revue, d'une petite feuille, je dirais, de 4 pages, qui s'appelait Loire Information, qui a paru entre 1963 et 1968, si ma mémoire est bonne, qui était l'organe officiel du CES, le Centre d'études socialistes, dont le dirigeant était Marc Bouchardot, Huguette Bouchardot en était aussi, d'autres dirigeants du PSU, mais qui était ouvert sur des syndicalistes, principalement de la CFDT, et des militants d'organisations de type familial, etc. Alors, c'est un peu l'organe officieux du PSU, si vous voulez, en fait. Alors, dans ce journal, de nombreux articles sont consacrés à l'économie locale, rédigés par André Garnier, par Bruno Vénin aussi, tantôt sur leur signature propre, tantôt sous divers pseudos. Alors, ce qui frappe à relire ces articles, c'est d'abord le caractère global du diagnostic qui est porté sur la crise de l'économie locale et sur la nécessité d'une méthode nouvelle pour y faire face. Un simple catalogue de mesures de défense de l'emploi ne suffit pas. Plusieurs éléments doivent être mis en corrélation et appellent des réponses coordonnées, notamment la rénovation du tissu industriel, création d'industries nouvelles fabriquant des produits finis, pas seulement de la sous-traitance, développement des zones industrielles comme celle d'Andrézieux, qui ne doivent pas être monopolisées par les industries locales. Or, pour attirer des industries de l'extérieur, il faut faire face, par exemple, au désenclavement de Saint-Étienne, au développement d'un parc de logements suffisant pour attirer la main-d'œuvre qualifiée tout en restant accessible aux classes populaires, et le développement de l'enseignement technique ou le démarrage de l'enseignement supérieur autonome. Faute de cet ensemble de mesures, on insiste dans les articles sur le fait que les habitants ne resteront pas sur place, ils iront à Lyon, ce qui a commencé à se faire, et le Grand Lyon sera appelé à devenir le Paris de la région Rhône-Alpes. Alors, l'orientation s'apparente à un contre-plan régional, bien que le terme ne soit pas réellement utilisé, où les spécialistes et les compétences côtoieraient dans les débats les militants des organisations populaires. C'est ainsi que deux colloques purement stéphanois vont être organisés, l'un en 64, qui s'appelle « Colloque pour l'expansion et la démocratisation de la région stéphanoise » en juin 64, le second l'année suivante sur l'urbanisme. Mais si les compétences techniques sont requises, il s'agit aussi de se positionner politiquement, ce qui passe par une critique sans concession de la responsabilité des pouvoirs en place. Alors, les principaux responsables de la crise qui sont désignés à ce moment-là dans cette vision sont d'une part le patronat et les notables locaux, patrons de PME, conseil général de droite présidé par Antoine Pinet, qui n'ont rien vu venir ou qui ont laissé pourrir la situation par peur de voir bousculer leurs rentes de situation, en fait. Les grands groupes financiers dont la stratégie consiste à supprimer les emplois dans les régions faibles au profit des régions en expansion, il y a cette opposition, régions faibles, régions en expansion, aggravant la crise et la perte d'initiative de la région stéphanoise. Le pouvoir gaulliste, enfin, qui en dépit de sa volonté technocratique et moderniste, s'aligne sur les intérêts des grands groupes industriels et financiers internationaux et entérine une concentration économique à outrance qui renforce l'effort, appauvrit les faibles, là je cite, sur le plan des entreprises comme celui des régions. L'aménagement du territoire devient ainsi un vœu pieux. Il y a beaucoup d'articles qui dénoncent cela. Pour toutes ces raisons, il ne peut y avoir de solution, finalement, qu'à travers une alternative globale au capitalisme, posant les jalons d'une société socialiste et capable d'articuler 3 leviers. Alors, ces leviers, c'est d'une part l'État central, renforcé par la nationalisation des industries clés, qui est le thème fondamental de Garnier dans sa critique des modernistes depuis Grenoble, nationalisation des secteurs clés de l'économie, contrôle de la fonction d'investissement, seule manière d'imposer une planification réelle. Deuxièmement, la démocratisation des prises de décision permettant le contrôle des travailleurs et des citoyens sur les décisions qui les concernent, depuis la consultation dans les organes d'élaboration du plan, depuis les entreprises jusqu'au niveau central, la consultation des habitants sur le tracé d'une autoroute ou l'aménagement des nouveaux quartiers. Et enfin, il s'agit de promouvoir un niveau régional, et ça me paraît particulièrement original, un niveau régional de décision à l'époque, comportant ces organes représentatifs, assemblées élues, exécutif régional, qui représenteraient les intérêts de la région auprès des ministères et du commissariat au plan, l'établissement d'un plan de développement régional, l'attribution de pouvoirs, comme celui d'avoir un budget autonome pour la création d'entreprises, d'une banque régionale d'investissement, etc., etc. Je conclus. Alors, on mesure l'ambition, effectivement, de ce projet, dont seules certaines dimensions techniques en matière de régionalisation, notamment, sont réalisées ou apparaissent aujourd'hui possibles, compte tenu de l'échec du projet politique qui sous-tendait le reste. Mais je terminerai en disant que, me semble-t-il, ce projet politique n'a pas trouvé sur le moment sa base sociale ni sa place dans le champ politique local, puisque le PSU et la gauche nouvelle sont restés électoralement squelettiques, malgré la faiblesse relative à Saint-Étienne de la gauche non communiste, traditionnelle, qui aurait pu permettre éventuellement plus leur émergence. Alors ce projet s'est trouvé coincé, d'une part, entre l'emprise de la culture communiste sur une très large fraction de la classe ouvrière locale, et d'autre part, je dirais, le conservatisme des classes moyennes traditionnelles, deux facteurs se cumulant pour rejeter un discours qui voulait mêler compétences techniciennes et anticapitalisme. De ce point de vue, la sociologie de Saint-Étienne ne ressemble pas à celle de Grenoble. Je n'épiloguerai pas là-dessus. Cette stratégie de lutte contre la crise n'a donc pas vraiment mordu sur les milieux populaires. En dehors d'une élite de militants, il est vrai bien représenté dans la région à cause de la force des organisations chrétiennes, mais dont la présence a peut-être fait écran et fait illusion. Et il me semble, et je terminerai là-dessus, qu'André Garnier avait eu peut-être le pressentiment de ce divorce entre les masses et les militants, même si sans doute il ne se serait pas résolu à l'accepter, dans un article que j'ai découvert avec surprise à la fin de cette série de numéros de Loire Information et qui est intitulé « La longue marche ». J'en retiendrai seulement l'une des dernières phrases. « Celles et ceux qui luttent pour une société démocratique et d'autogestion » le mot est prononcé à l'époque, on est en 66 « doivent savoir que leur marche, à travers les mécanismes de la société technicienne, est aussi longue, aussi difficile et souvent peut-être plus décourageante que celle de Mao Tse-tung, même si elle se déroule dans des conditions physiques très différentes et somme toute plus agréables. » Voilà. Alors, puisqu'on parlait de Mao Tse-tung, on va passer maintenant une chanson de Colette Mani qui parle du Vietnam, qui était une référence dans les années précédentes 68 pour les militants, justement, dont parlait André Garnier. Vietnam 67. Vietnam 67. Vietnam 67. Vietnam 67. Je ne m'interroge plus sur le sexe des anges. Vietnam 67, Van Tien Dung m'a dit, viens, donne-moi la main, tu verras, ici c'est la guerre des vélos. Alors camarade, ton vélo est renforcé. Alors camarade, avec 300 kilos de vivres et munitions, tu vas pouvoir nous ravitailler. Mes camarades, tous les ponts sont coupés. Oui mes camarades, la nuit dernière on les a tous remplacés. Nous ne nous laisserons pas intimider. Il y a bien longtemps, pour l'air sage du matin, il y a bien longtemps, pour les repiquages du soir, nous étions deux dans la rizière. Mais une nuit, mon mari fut emmené avec 400 000 hommes et leurs bombardiers, avec 400 000 hommes et leurs gaz toxiques. La défaite militaire suivra l'échec politique. Nos paysans dressaient les abeilles sauvages au combat. Nous sommes toujours là. Alors maintenant, Marat, les accords de Genève. Alors maintenant, Marat, vous n'avez donc rien à en faire. Ho Chi Minh vous l'a dit, nous ne nous laisserons pas intimider. Vietnam 67, longue vie au peuple vietnamien. Oui, donc nous sommes toujours sur Radio Dio, l'émission mensuelle du Grémos, donc après cette chanson de Colette Mani. Donc nous allons profiter donc de cette première intervention sur André Garnier, personnage central et à la croisée de nombreux chemins autour des mondes catholiques sociaux, du syndicalisme, de la politique, etc. Dans la région stéphanoise dans les années 50-60, nous allons donc passer à la question de l'UDC-FDT. Je vais laisser une rapide présentation encore à Jean-Paul. D'accord. Donc on revient maintenant en 1964 pour parler de la place de la crise du bassin stéphanois dans les stratégies de l'UDC-FDT de la Loire. Tout à l'heure, j'ai fait un petit lapsus. Je voulais dire que l'UDC-FDT de la Loire était une enfant en partie d'André Garnier et pas de Jean-Paul Martin. Jean-Paul Martin, c'est celui qui a présenté André Garnier. Voilà. Donc voilà la contribution que j'ai prononcée ce jour-là. Et cette contribution est un petit peu incomplète parce que j'avais pas prévu suffisamment de temps. Donc à la fin de cette contribution, je reprendrai quelques minutes pour parler de la période donc qui sépare de 1984. Voilà. Pierre intervient sur la place de l'UDC-FDT. Alors bonjour. Plus précisément, par rapport à la journée, la place de la crise du bassin stéphanois dans les stratégies de l'UDC-FDT de la Loire. Donc entre 1963 et 1984. Alors, quand on étudie l'histoire de l'UDC-FDT de la Loire, on s'aperçoit que cette histoire est marquée par des tournants et des tournants brusques. Mais elle est aussi marquée par des constantes. Et une de ces constantes, par rapport à la journée d'aujourd'hui, c'est quand même la question de la crise économique du bassin stéphanois. Alors, en gros, les deux constantes de l'UDC-FDT, puisqu'on va parler d'André Garnier cet après-midi, elles avaient été énoncées par André Garnier au congrès de 1956 de l'UDC-FTC, et il disait que, en fait, le syndicat avait deux tâches, avait une orientation professionnelle, prendre en compte tous les besoins des travailleurs, alors salaire, conditions de travail, chômage, etc. Et puis une deuxième orientation, qui était une reprise ancienne, le syndicat avait pour tâche l'émancipation des travailleurs, et donc il devait faire de la politique. Et il devait construire le socialisme démocratique. Alors, du point de vue des stratégies, ces deux orientations, elles passaient par une stratégie d'alliance avec les autres unions départementales et, bien entendu, principalement l'union départementale de la CGT. Et puis, elle passait, qui allait de soi, même si elle était compliquée, même s'il y a eu des conflits entre les deux UD, ça allait de soi, puisque elle est, en fait, c'était très difficile de faire quelque chose sans l'UD-CGT. Bien. Et deuxième élément qui était plus compliqué, c'est que l'idée du socialisme démocratique, ça passait par la recherche d'alliances avec des forces politiques. Et là, c'était compliqué parce que ces forces politiques étaient considérées par l'UDC-FDT comme des forces politiques insatisfaisantes. Nécessaires, mais insatisfaisantes. Voilà. Alors, J'ai essayé de dégager des séquences à l'intérieur. Donc, j'ai dégagé 6 séquences. Donc, séquence 1963-1965. Je reviendrai sur chacune de ces séquences, bien sûr. Séquence 1966-mai 1968. Séquence mai 1968-1973. Séquence 1974-1977, séquence 1978-1981 et séquence 1981-1984. Alors, si on reprend la séquence 1963-1965, je reprends deux choses très importantes, c'est la grève des mineurs et la grève de la SFAC en 1964. Dans les deux cas, l'UD, à l'époque, qui est l'UD-CFTC, qui n'est pas encore l'UD-CFDT, participe au mouvement tout en étant minoritaire. Mais en 1964, l'UD-CFDT est à l'origine d'un colloque qui réunit un certain nombre d'organisations, à l'exception de la CGT, et ce colloque dresse un tableau des objectifs indispensables pour le redressement de l'économie stéphanoise et la sécurité de l'emploi. Et donc, je reprends ici ce que disait Alban à l'instant. Et dans la même veine, une année plus tard, l'UD-CFTC va publier un programme pour l'amélioration économique et sociale de la région stéphanoise. Et alors, je vous ai mis ici un tract, parce que ce programme, on l'a trouvé aux archives dans un tract qu'Alban avait photographié. Donc on a collaboré dans notre travail. Et voilà. Alors, que préconise à ce moment-là le programme de l'UDCFDT? Alors, première chose, et c'est quelque chose qui va revenir très régulièrement, la poursuite du désenclavement de la région. L'implantation d'industries nouvelles par la décentralisation autoritaire d'entreprises nationalisées ou d'économies mixtes. Développement de l'enseignement technique et professionnel et de l'enseignement supérieur. Construction de 100 000 logements par an, principalement des HLM. À cette époque, la situation du logement est catastrophique dans la Loire. Réaménagement à terme de la région stéphanoise par l'extension des zones industrielles et la création d'une ville nouvelle près d'Andrézieux-Boutéan. Alors, ça, c'est... Voilà ce programme. Mais la séquence est également marquée par un autre événement très important, c'est la déconfessionnalisation de la CFDT qui devient la CFDT en novembre 64. Et l'UD-CFTC fut un acteur impatient de cette évolution. Et l'idée, c'est que cette évolution va lui permettre de se renforcer. Et c'est ce qui se passe effectivement, puisque, en fait, elle augmente ses adhérents entre 1963 et 1965, malgré la scission de ceux, justement, qui ne veulent pas évoluer et qui restent à la CFTC. On va passer maintenant à la séquence mai 1966-mai 1968, et il va y avoir un basculement, et un basculement qui vient de l'accord d'unité confédérale entre la CGT et la CFDT, qui survient en janvier 1966. Et cette période, qui va de janvier 1966 à mai 1968, est marquée par cette unité d'action interconfédérale dont l'UD-CFDT est un ardent partisan. Elle participe à toutes les journées, mais elle ne se contente pas de participer à toutes les journées. Elle émet assez régulièrement des critiques contre ses partenaires ou bien contre sa propre confédération qu'elle ne trouve pas assez allant, on va dire, pas assez actif, dont les modes d'action lui semblent insuffisants. Et en particulier, elle essaye, sans y arriver, de ne pas limiter les journées d'action à ce qu'elle appelle des journées sans lendemain. Elle... En 1900, alors, il y a en même temps que cette unité des divergences politiques à cette époque entre les deux confédérations. Et l'UDCFDT est une des UD qui va, faire pression sur la confédération pour la poursuite de cette unité d'action, malgré les divergences qu'il peut y avoir. Comme je garde en fil le problème de la crise économique du bassin stéphanois, les deux UD, CGT et CFDT, lors des journées du 17 mai et du 23 mai 1966, inscrivent le développement du chômage dans le programme de revendicatif. Alors, développement du chômage à cette époque, du fait des licenciements déjà réalisés dans les mines, qui commencent dans le textile et dont on prévoit dès cette époque qu'ils vont continuer, et puis qu'on prévoit déjà dans la sidérurgie, du fait que la formation de la CAFL, de la CFL, a déjà introduit un certain nombre de licenciements, et dont le préfet, d'ailleurs, à l'époque, prévoit que ces licenciements vont continuer. Alors, cette séquence, en fait, d'unité d'action interconfédérale, elle va être brutalement stoppée par le mouvement de mai-juin 68, à laquelle, je crois, les dirigeants... Alors, pour la CGT, je ne me prononcerai pas, mais pour l'UDCFDT, je ne pense pas que les dirigeants avaient vu arriver mai 68. Alors, toujours est-il que l'UD appela et participa à la grève et aux occupations, et en se voulant à la fois le porteur de l'unité ouvrier-étudiant et puis de la lutte pour le contrôle ouvrier dans les entreprises. L'autogestion appelle de la CFDT du 16 mai 68, contrôle ouvrier traduit dans la Loire par contrôle ouvrier dans les entreprises. Elle soutient l'appel de la Confédération à Mendès France le 29 mai 1968, et en juin, au moment où la reprise est amorcée, elle soutient la poursuite de la grève des métallurgistes. Alors, toutes ces positions entraînent à cette époque des conflits avec la CGT, qui n'est pas sur ces bases-là. Mais, comme le dit un mémoire, bon, je vais un peu vite, donc je ne vais pas citer l'auteur du mémoire, sans infléchir vraiment le mouvement stéphanois, vu que, bon, ça rejoint aussi ce que disait Alban, vu que le rapport de force, en fait, entre la CGT et la CFDT est très nettement à la faveur de la CGT. Alors, à la fin du mouvement, elle va conclure un peu hâtivement qu'une révolution est en route, une révolution dont n'ont pas voulu la CGT ni les partis de gauche. Et elle va se prononcer pour d'une belle formule, le socialisme à base d'autogestion en 1969 au congrès de Saint-Étienne. Alors, je reprends là encore ce que dit Alban. Dans les années, moi je disais 70-73, mais j'ai fait confiance pour dire plutôt 71-73, le bassin stéphanois connaît beaucoup de luttes. Et là, l'UD, pendant ces 3 ou 4 années, va tenter de pousser ces luttes au maximum. Le terme de lutte est un mot de la CFDT. C'est-à-dire qu'on dépasse les grèves ou les débrayages. On parle, à ce moment-là, il parle des luttes et va tenter de les pousser au maximum, quitte à s'opposer de différentes manières à la CGT. Par exemple, en refusant de s'associer à certaines journées d'action. En tentant, encore une fois, de ne pas limiter les actions à des journées, mais de mettre en place des réunions avant pour en discuter et d'essayer de les poursuivre, en tentant de mettre en place dans les grèves des assemblées générales pour discuter des revendications et des modalités d'action, et en soutenant parfois certaines luttes avec des membres d'organisations d'extrême gauche. Mais l'idée de la crise du bassin stéphanois est encore présente, puisque dans cette période, on note encore une lettre de la CFDT au préfet pour lui dire que vraiment les pouvoirs publics, au niveau de leur stratégie pour l'implantation des industries dans la région, ils sont vraiment pas forts. Alors le préfet répond que c'est une critique facile. Alors, il n'empêche que un article du Progrès du 7 mai 1971 qui rend compte d'une réunion du comité d'expansion de la Loire fait bien sûr état de la création de 20 000 emplois nouveaux dans les 12 années précédentes, mais en même temps de la suppression de 20 000 emplois. Ce qui veut dire que la question se pose et bel et bien. Alors, il va y avoir un début de rééquilibrage des positions de l'UDCFDT en 1973, je dis après l'échec de la grève de Peugeot. Après l'échec de la grève de Peugeot, l'UD rééquilibre ses positions sur deux points. D'abord, elle réaffirme le rôle des sections d'entreprise dans la conduite des luttes. Et puis, elle insiste aussi sur la nécessité de revenir à la politique et d'articuler les luttes à la politique, alors qu'elle s'en était peu occupée là, dans les trois années précédentes. Mais il faut dire que ça s'explique par deux événements politiques majeurs qui se sont passés dans ce moment-là. C'est qu'il y a eu la création du nouveau Parti socialiste en 1969 et 1971, puis la signature du programme commun de gouvernement en juin 72, et que ces deux événements entraînent un renforcement du Parti socialiste au niveau national. Dans la Loire, c'est peut-être un peu moins vrai. J'en ai discuté avec certains militants, mais c'est peut-être un peu moins vrai dans la Loire. Mais au niveau national, il y a un auteur a employé le terme de dépsuisation. C'est-à-dire que beaucoup de militants de la CFDT qui appartenaient au PSU passe au Parti socialiste dans ces années-là. Il me reste 5 minutes, merci. Et j'embraye sur la séquence 1974-1977, qui va être une séquence politique. En mars 1974, l'UD définit une stratégie politique qui consiste, d'une part, à ne pas se rallier au programme commun, malgré de la pression de la CGT, mais à favoriser le succès de l'Union de la gauche tout en développant une mobilisation populaire et la formation de ses militants à l'analyse marxiste, parce que le but reste de construire le socialisme, alors que pour la CFDT, le programme commun, c'est pas la construction du socialisme. Alors, cette stratégie et la pression des militants expliquent la décision de soutenir François Mitterrand aux élections de 1974. Ça ne marche pas. Puis de participer aux assises du socialisme qui voit une partie des militants de la CFDT, du PSU et d'autres organisations rentrer dans le Parti socialiste. Alors, les dirigeants de l'UD-CFDT, qui étaient tous adhérents ou proches du PSU, tout le monde le préfet le dit et tout le monde en convient, décident, eux, de renforcer la gauche du PS en adhérant au CRS. CRS, c'était Chevènement à l'époque. Mais en fait, ça ne va pas marcher du tout, parce que cette opération des assises a été une opération ambiguë, je ne développe pas, et puis il y a des différences de culture militante, et puis il y a des différences idéologiques, et en gros, fin 1975, les dirigeants de l'UD et beaucoup et un certain nombre de militants qui étaient rentrés avec eux au CRS quittent le Parti socialiste. Voilà. Dans la même année, les dirigeants de l'UD participent à une contribution qui va être portée par la région Rhône-Alpes au congrès de la CFDT de 1976 et qui prétend clarifier les positions de la CFDT, dans le sens du socialisme autogestionnaire. Alors, la crise a commencé et l'UDCFDT, enfin, l'Union, cette motion, elle est portée par la région Rhône-Alpes, mais que l'UDCFDT dirige à cette époque-là, et elle est portée par 5 fédérations de la CFDT. Et clarifier pour eux, ça veut dire clarifier les orientations, ça veut dire refuser toute gestion de la crise dans le cadre du capitalisme, développer la mobilisation et la conscience politique des travailleurs pour amplifier les luttes et affaiblir le capitalisme avant la prise du pouvoir, puis celle-ci s'étant opérée, pour entamer la construction du socialisme et empêcher que ce pouvoir soit reconquis ou confisqué par une couche technocratique ou bureaucratique. Et puis renforcer la CFDT. Alors, cette orientation est rejetée par la direction et repoussée par le vote du Congrès. Mais, dans la même période, l'orientation syndicale ou professionnelle est très présente. C'est la période des grèves dont parlait Alban. Et la CGT et la CFDT en commun soutiennent les grèves offensives et défensives menées dans les entreprises et organisent des journées d'action sans conflit entre elles. À partir de janvier 1977, allaient succéder des opérations ville morte, justement pour lutter contre les licenciements, et la séquence de la fin 1977 s'achève par une dénonciation de la rupture entre les partis de gauche, survenue le 22 septembre 1977, présentée comme un sabotage face à l'espérance des travailleurs. Donc, Serge me fait remarquer qu'il me reste une minute. Alors donc, mon intervention n'ira pas jusqu'en 1984. Voilà. Alors, je la reprends maintenant. Mon intervention, voilà. Je vais reprendre mon intervention. Je dis juste un mot parce que quand j'ai parlé du programme économique de la CFDT de 1965, j'ai parlé de 100 000 logements par an dans le bassin stéphanois, et c'était une erreur grossière. C'était dans le programme, il y avait construction de 10 000 logements par an. Hein. Voilà. Et donc, je vais reprendre maintenant à la séquence 1978-1981. Et cette séquence débute parce qu'on a appelé le recentrage de la CFDT. Alors, le recentrage de la CFDT au niveau confédéral, c'est proposer un certain nombre de nouvelles orientations, proposer des inflexions stratégiques. On remet en cause la politisation des luttes au profit d'une stratégie qui vise des objectifs plus proches des revendications des travailleurs et qui sont négociables avec l'État et le patronat. Alors, et puis, on propose également une recherche de l'extension de l'unité d'action avec FO. Alors, cette nouvelle stratégie est proposée en même temps que des pourparlers sont menés secrètement entre des dirigeants de la CFDT et du CNPF pour repérer ce qui pouvait être négociable. Alors, cette orientation fut d'abord violemment combattue par l'Union départementale de la Loire avant que se dessine un compromis sur ce qu'on a appelé la resyndicalisation, définie comme une volonté de privilégier la démarche professionnelle dans les orientations de la CFDT lors du congrès de Brest de mai 1979. Le 7 septembre 1978, l'UD revenait à la charge en émettant des propositions de survie pour le développement de la Loire qui passaient par des mesures pour libérer des emplois, baisse du temps de travail, extension des droits à la retraite, amélioration des conditions de travail, par la création d'emplois nouveaux, par la décentralisation de sièges sociaux et d'emplois tertiaires et l'implantation à Saint-Étienne d'un centre national de machines-outils, et puis par la défense des emplois existants. Alors nous avions parlé dans la période précédente d'actions pour que la Loire vive, et ces actions vont connaître leur apogée lors de la marche sur Saint-Étienne du 20 février 1979, qui réunit 50 000 manifestants sur la place de l'hôtel de ville de Saint-Étienne, en même temps que 100 000 travailleurs faisaient grève. Alors, cette action est grandiose, les photos de l'époque en témoignent, mais en même temps, elle fut un champ du cygne, puisque les UD n'arrivèrent pas à poursuivre en commun le combat par suite de divergences croissantes. Alors, des divergences sur les stratégies syndicales. La CFDT donc privilégie les actions dans les entreprises et les branches, alors que la CFDT privilégie les actions globales. divergence sur les conduites des luttes dans la sidérurgie et sur la signature par la CFDT de la Convention sociale de la métallurgie en juillet 1979, divergence sur la conduite de la lutte à Manufrance, et Manufrance est un point très important à Saint-Étienne, divergence sur la réduction du temps de travail choisi comme moyen d'éviter des licenciements, parce que la CFDT accepte que cela se fasse sans compensation salariale pour les salariés qui toucheraient deux fois le SMIC, ce que la CFDT refusait. Divergence enfin sur les réactions face à l'intervention soviétique en Afghanistan en décembre 1979 et sur la création de Solidarité en Pologne. Donc, malgré quelques actions communes, les relations deviennent de plus en plus difficiles entre les deux UD. Et l'UDCFDT essaya alors de mettre en place seul des comités pour l'emploi préparatoires des assises départementales de l'emploi. Mais les diverses actions entreprises n'empêchent pas les licenciements et les fermetures d'entreprises, y compris parmi les entreprises d'implantation récentes. Du point de vue politique, pour les élections clés de 1978 et 1981, l'UD réaffirme la nécessité de l'union de la gauche pour faire élire une majorité et un président de gauche, mais aussi d'un mouvement populaire puissant pour faire de ses victoires la première étape de la construction du socialisme autogestionnaire, grâce à la prise en main des principaux moyens de production et au développement d'un contrôle ouvrier dans les entreprises. Cependant, elle se posait des questions sur la volonté réelle du PCF de participer au pouvoir et sur la volonté réelle du Parti socialiste d'appliquer le programme commun. Et d'ailleurs, un des paradoxes est que la lecture des notes des réunions du bureau UD montre que les membres du bureau ne voyaient pas de mobilisation populaire, ne voyaient pas cette mobilisation populaire qu'ils recherchaient. Alors, malgré cela, on va passer à la séquence 1981-1984, et tout le monde sait que l'année 1981 voit l'élection de François Mitterrand le 10 mai 81. Le soir du 10 mai, on fait la fête à l'UD, mais Pierre Héritier, venu faire un compte-rendu de la réunion du bureau national, déclara quelques jours plus tard qu'il n'y avait pas eu de mobilisation populaire et que les électeurs avaient choisi le changement et pas le socialisme. Donc, face à une direction confédérale qu'elle jugea très vite trop proche d'un gouvernement qui ne répondait pas à ses attentes, l'UD eut beaucoup de peine à agir sur la défense des emplois. La rupture de l'unité d'action avec la CGT et l'impuissance à empêcher les licenciements entraînèrent le non-renouvellement des militants qui se recroquevillèrent sur le secteur. Les unions locales étaient désertées, le nombre d'adhérents baisse de 35% de 1977 à 1984. Du coup, les militants n'arrivent pas à faire vivre le comité d'emploi Loire-Sud, dont les propositions d'ailleurs ne sont pas reprises, et non plus à lancer des actions. Alors, quelques exemples. Si l'UD lance une journée sur l'emploi le 30 avril 1981, la participation militante y est très faible. Ce qui entraîne le commentaire suivant de Michel Rachet en bureau de l'UD: on a trop l'habitude d'agir dans l'unité, seul on n'y croit pas. En 1982, les syndicats refusèrent une grève proposée par le bureau de l'UD le 15 octobre, ce qui conduisit à enterrer les assises départementales sur l'emploi. Puis, ce fut dans la division entre CFDT et CGT et en l'absence d'une action coordonnée par l'UD que se passa la liquidation de Creuse-Loire, reprise par Usinor et Framatome en décembre 1984. Et ceci est confirmé par un commentaire de 1987. L'absence de l'UD a été très regrettable dans l'affaire Creuse-Loire. Le même mois, l'UD fut celle qui amenèrent la CFDT à prendre position contre l'accord sur la flexibilité de l'emploi, donc en décembre 1984, mais la situation de l'UD était très difficile en 1984, au moment où nous arrêtons cette présentation. Alors, en conclusion, on peut dire que l'UD a effectivement pris en compte la crise du bassin stéphanois, que ses préconisations sur le désenclavement de la Loire, la création de zones industrielles, le développement d'enseignement ont été reprises par les pouvoirs publics, mais que très peu de nouvelles entreprises se sont installées de manière durable et que ces stratégies n'ont pas empêché la disparition de nombreux emplois industriels, que les emplois créés dans le tertiaire n'ont pas équilibré. La situation économique et sociale du bassin stéphanois s'est donc considérablement aggravée entre 1974 et 1984, ce qui a contribué à l'affaiblissement des syndicats du DCFDT. Alors, voilà pour la reprise de cette contribution du 29 novembre. Alors, comme elle s'achève en évoquant l'accord, la crise de la sidérurgie et l'accord sur la convention sociale de la métallurgie, j'ai pensé qu'on pouvait passer maintenant une chanson du stéphanois Bernard Lavillier, mais qui parle de la sidérurgie lorraine. Ça s'appelle Fenchevalet. Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens donc renchouter du désespoir, viens donc visiter mes lames minoires. Viens donc chevaucher les grands rouleaux et te coincer la tête dans un étau. Viens petite femme de Saint-Tropez, nous on fume la cam par les cheminées. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Viens petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage aux devins d'elle. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la Fench, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Petit souci avec la chanson, vous allez à du direct. Donc malheureusement on va devoir interrompre maintenant l'émission. Donc effectivement c'était une première présentation des captations réalisées lors de la journée d'études du 29 novembre. Nous aurons encore l'occasion de diffuser d'autres émissions sur la prochaine fois. Donc nous repasserons rediffuserons l'émission ce soir à partir de 19h et dimanche suivant également en soirée. Donc nous vous remercions d'avoir bien voulu écouter cette émission et nous aurons l'occasion effectivement de revenir sur ces questions autour de la crise du bassin stéphanois. Merci beaucoup.